Yeah. Chiasse, il danse. La dissidence, c'est à chier dedans. Y'a bien trop de métèques, la langue collée au cul des juifs. Ils ont le goût de la merde dans la bouche. Leur faire confiance, c'est comme confier sa progéniture à un proxénète. Faudrait vraiment être starbé ou en avoir plus rien à foutre. Ni kéfié, ni kippon, ni conversano, ni soral, ni fascisme d'opérette, ni amateur de beurette. Tout se faire lécher le trou de balle par des Yorkshire en rut. Vu la proportion de sodomie, tu ferais mieux de faire gaffe à ton cul. Si on milite contre l'islamisme, c'est pas pour que des cafes sédèques aillent se faire taper l'arrêt avec l'argent de la caisse à Sun City. Je préfère les ambiances croix gammées à celles qui friendly. Et si on va casser du PD, c'est qu'il y a épidémie de sales fiottes dégénérées qui traînent dans les backrooms. C'est à coup de tes sons de bouteille, faudrait leur tatouer la gueule. Et quand c'est pas des pédales, c'est des amoureux des nègres qui tapinent pour les éditions Ing et font de la lèche à Israël. Aucune alliance avec ceux qui l'ont rompu avec Dieu. Dans la judéo-servilité, on peut pas faire mieux, c'est pas un RDV pour dissident, mais plutôt pour détraquer. Il manque plus que des actrices porno ratées, se prenant pour Jeanne d'Arc, mais ça viendra tôt ou tard. J'en mettrai mon prépuce à couper. L'engrenage s'arrête jamais quand t'es une pute à qui pas. Tous en quête de notoriété, et bon qu'Amandier via Tipeee. On est loin de l'intégrité du voivode, Vlad Tepes. Tu peux bien montrer les crocs, ils sont immaculés. Manquer de radicalité, c'est faire l'allié du camp d'en face. Hystérique comme une taspée quand t'as failli te faire soulever. N'espère pas m'impressionner en branlant ta culasse. C'est là que je brille le plus. Hors de question que je fraternise avec ces fils de pute. Dans un futur plus que proche, on parlera d'eux à l'imparfait. C'est aussi vite que Tarxilo qu'ils vont disparaître du game.